On continue à dérouler tranquillou l'aspect française avec maintenant Eminentia Tenebris et Chien. Là, on est sur deux styles musicaux radicalement opposés dans les intentions et surtout dans la réalisation musicale. Eminentia Tenebris, ça nous vient du Mans, formé il y a quelques années seulement, une sortie sur le label breton Antique Record. Voilà, le duo Manso nous propose un black épico-mélodique. Ça se rapproche notamment d'un Aurillac, voilà, c'est très dans le black français. Voilà, avec des petites inspirations années 90 suédoises, sans trop de surprise. Voilà, atmosphère soignée, ambiance léchée, un rendu dense et très appréciable à s'écouter. Chien, ensuite, formation Grindcore, active depuis une dizaine d'années, qui vient de sortir là son troisième effort studio, 10 ans après le précédent. 16 titres, on est entre le fastcore, le grind, le power violence, c'est sans surprise, c'est radical, c'est concis, c'est précis. Et clairement, on n'entend rien de plus d'un album de Chien. Hop! Eminentia Tenebris, Reaching the Other Side, extrait d'album Rise of a New Kingdom. Chien, My Bad Day Makes Me Kill, enchaîné à Easy Violence, extrait de 187 Myself. C'est parti. We need $140 tonight, bro. Tonight he's earned enough money to buy a rock of crack. Et je fais systématiquement la connerie chaque fois que je parle de Broken Ankles. Ce ne sont pas des Belges, ce sont bien des Français du nord de la France, pour être plus précis, du Nord-Pas-de-Calais même. Ils sont pas du tout belges. C'est vrai que chaque fois que je les ai croisés, c'était en Belgique, mais ils n'en ont rien à voir. Broken Ankles, donc, c'est une très jeune formation avec des très jeunes membres qui nous fait du hardcore beatdown à la sauce Riken 90s. C'est putain de bien fait, c'est ultra violent. Au passage, ça sort quand même chez Deathfarm Records, un premier EP, 4 titres. Au passage, ils ont également, fin d'année dernière, recruté le bassiste de Sickners. On vous en parlera dans les très prochaines semaines à venir, hein, Sickners, qu'on a vu sur la scène du Ripfest cet été. Voilà, c'est bête, c'est méchant, c'est très efficace, et on les aura très prochainement à Tours. On vous en dira plus, bien sûr, le moment venu. Et en doublette avec Broken Ankles, parce qu'on les aime vraiment beaucoup, on se réécoutera un titre de Meurtrière, Tempête et Naufrage. Et juste avant ça, Broken Ankles, ce titre You Lose, extrait de l'EP Learn in Pain. C'est parti. You run the business. We'll be right back. Retour à la diff internationale après cette généreuse et ultra cool parenthèse française, avec maintenant Crypta, formation qui nous vient du Brésil. Un line-up 100% féminin créé en 2019 par deux ex-membres de Nervosa. On est sur une version que l'on peut décliner comme étant plus radicale que celle de Nervosa. Nervosa, on est sur l'espèce de trash death. Crypta, c'est du death old school, crasseux comme pas possible. Typé vraiment 90s, hein, directement influencé par Morbid Angel, Death, et même petit côté européen que l'on peut retrouver chez les vieux albums de Vader. C'est catchy, organique, c'est pas surproduit, c'est vraiment assez raw dans l'ensemble. Et vocalement, voilà, c'est pareil. Donc voilà, Crypta, on commence à les voir de plus en plus sur les scènes européennes. Et c'est tant mieux parce que ça fait super le taf sur scène et sur album. Vengeful Spectre, ensuite, groupe d'Epic Black Folk qui nous vient de Chine, actif depuis 5 ans. Le deuxième effort studio vient de sortir. Des compos plutôt longues et généreuses de Black qui vont même tendre vers parfois le Funeral Doom. À noter l'emploi d'instruments traditionnels, notamment d'instruments à cordes. Voilà. Blackening Funeral Doom donc pour Vengeful Spectre et c'est très prenant musicalement, ça dirait aux oreilles de l'ami Thibaut. Crypta, The Other Side of Anger, extrait de l'album Shades of Sorrow, Vengeful Spectre, Storming Insurrection of War, extrait de l'album Vengeful Spectre 2. Et tout ça, bien sûr, c'est déjà disponible. Yeah. Dans la doublette suivante, on retrouvera encore une nouveauté après Crypta juste avant. Il s'agit de Move. Là, on est sur du hardcore qui nous vient de Boston, une signature encore chez Triple B Records, toujours de la grosse qualité. Après un EP qui a vu le jour en 2021, le groupe vient de sortir là son premier véritable album studio. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de la musique de Move ? C'est hyper engagé, hyper vindicatif, frontal, ravageur. Et on retrouve quelques guests pas piqués des hannetons. Le gueulard de Jesus Pist et la batteuse chanteuse de Zulu. Voilà, un record engagé et vénère avec des putains de breaks qui pèsent bien lourd. Et puisqu'on parle de breaks bien lourds, Humanity's Last Breath, le groupe de deathcore downtempo qui nous vient de Suède, actif depuis une quinzaine d'années, vient de sortir son cinquième effort studio, toujours chez Unique Leader. Une douzaine de titres, autour de 4 minutes à chaque fois, c'est massif, c'est lourdingo possible, des petits arrangements, des changements de tempo dévastateurs, ça évite le côté un peu répétitif, mais ça reste assez hypnotique, et puis c'est hyper dense comme musique Humanity Last Breath, et c'est vrai que ça fait pas forcément partie des styles musicaux et des groupes qu'on vous diffuse assez régulièrement, donc voilà, si vous aimez, profitez-en. Move, Trojan Horse, extra album Black Radical Love, Humanity's Last Breath, Labyrinthian, extra album Ashen. C'est parti. When you build a new plantation. On approche tout doucettement de la fin de l'émission de ce soir, l'heure de s'écouter la toute dernière nouveauté pour aujourd'hui, avec une autre moins nouveauté, juste ensuite. Fossilization, tout d'abord, ça nous vient du Brésil, tout comme Crypta. On est sur du Doom Death, c'est très récent, une sortie Everlasting Pure Records, pareil, toujours la grosse quali là-dedans. C'est un duo, Fossilization, et on retrouve les deux icônes, notamment chez Jupiterian. On est plus sur du death un peu spectral voicisien, hein, du death presque lovecraftien, c'est rampant, c'est sale. On a le côté incantatoire à la Incantation également. Un premier EP a vu le jour en 2021, et moi ce qui m'a accroché avec ce premier album, c'est que ça, pareil, ça hypnotise. En fait, je trouve que leur musique est hyper prenante. On a des passages, voilà, on a la batte qui martèle comme pas possible, et on a l'impression de se faire craquer le cerveau. Et derrière, voilà, cette espèce de chant ultra sourd et incantatoire. Et moi, perso, Fossilization, ça l'a bien fait. Donc voilà, on vous invite à découvrir. Et en doublette avec Fossilization, on se réécoutera un titre de The Night Eternal. Pourquoi est-ce qu'on diffuse encore ce soir des albums en doublette? Tout simplement parce que c'est de la sortie ultra quali. Et puis ça nous permet juste un roulement un peu plus logique et pertinent pour les sorties à venir. Et croyez-moi bien, les prochaines semaines vont être ultra chargées en qualité. Comme toujours, me direz-vous, cependant. Fossilization, At the Heart of the Nest, extrait de l'album Leprous Delight. The Night Eternal ensuite, Prometheus Unbound, extrait toujours de l'album Fatal. Fatal, que c'est moche. dernière doublette pour ce soir, et on se retrouve ensuite pour une toute dernière écoute, un groupe isolé et pas des moindres. Power of Fear pour ouvrir cette dernière doublette pour aujourd'hui. On est sur du hardcore beatdown qui nous vient de Pennsylvanie. Ils sortent là leur tout premier album studio, hein. Bon, précisément il a vu le jour fin juin chez Death Record. 8 titres, une intro, 2 titres en moyenne, c'est ultra bagarre tout au long du scud. Power of Fear à s'écouter d'urgence. En doublette avec le groupe de Brutal Slam Death venu d'Inde, Gutslit. Pour eux, on s'écoutera Body Snatcher, extrait d'album Carnal. Power of Fear, Shit Could Be Worse, extrait d'album A Breed Apart. Et partez pas tout de suite, on se retrouve après avec un dernier groupe. I'm looking for the Allez, on se quitte avec le dernier morceau de ce soir en se faisant des gros bisous marteaux avec les Anglais de Crepitation, le groupe de Slam Gore Grind qui nous sort un nouvel effort studio. C'est toujours aussi efficace, hein, 13 compos, toujours cette petite particularité d'avoir deux vocalistes. Alors c'est pas forcément dingo sur album, mais sur scène c'est ultra efficace. Et puis bon, c'est la bonne consanguinité du brutal anglais, parce que dans le tas on retrouve Zikos de Coproclesis et de Amputated. Sur ce, puis le bassiste également. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. On se quitte avec le morceau de Crepitation, Bloated Festering Mass of Corporate Imminency. Eminent City, évidemment, extrait de l'album Monstrous Eruption of Impetuous Preposterosity. Allez, à ciao, bonsoir.